hustling, every day I'm hustling, every day I'm hustling, every day I'm hustling, every day I'm hustling, every day I'm hustling, every day I'm, every day I'm, every day I'm hustling, every day I'm hustling, every day I'm hustling, every day I'm hustling, every day I'm, every day I'm, every day I'm hustling, every day I'm hustling, hustling, hustling, hustling. Avec cette track, j'suis venu mettre la couronne. Toi t'es un 3310 alors que moi j'suis un iPhone. Écoute bien le son, c'est de la boucherie comme ça. Fais pas le beau, car c'est à ta sale gueule que ça vient tes sauts. Les balles sortent de ton gun, mais ne me touche pas. Bien que j'fais des massacres à chaque track que j'rappe. On fait nos bails cachés comme des sous-marins. Si t'es chez moi j'suis hard, sinon sale bitch reste ton chien. Rappeur, j'suis l'élève qui dépasse le maître. Toi tu viens de net, moi j'ai des punchlines au kilomètre. Y'a du bif, j'serai là, appelle-moi le boucher. Ta meuf pense à moi quand tu commences à la toucher. Dégage de là, la relève et la boy. Moi j'ai le mic, toi prête ta bouche, t'as qu'un sextoy. J'arrive comme une fusée de Roberto Carlos. Y'a du cadavre d'MC Lux sous les roues de mon gamos. Hustling, hustling, I love you sweaty hard. I win the game, I know it before the start. Tu dis caviar, toi t'es le prix d'un cheese au McDo. Dans la rue du rap t'es qu'une pute, moi j'suis ton Mac. Tu connais bandana autour du cou. Si le rap c'est ta thune, j'crois bien que t'as jamais les sous. Les haters se tapent des queues sur mon rap. C'est pas parce que t'écoutes mes sons que t'es mon strap. T'es le fou, ça part de bitch, ça part de gun. Après une claque, ça pleure comme une meuf écoutant James Blunt. C'est Luke Campton, représente mon secteur. J'te connais, j'ai baisé ta fille, monsieur l'inspecteur. Le soleil peut s'arrêter, j'brille assez pour remplacer. J'suis trop cher même pour le budget du Milan AC. Quand j'suis dépressif, ben j'crame un bout de shit. Pendant que les meufs sucent et tournent pour des sacs Gucci. Si tu parles trop, c'est clair, ça fera bang bang. Quand j'suis là, pas étonnant que ta meuf se retrouve dans le gang bang. Dans ce rap, tu pèses autant qu'une mouche. C'est le coma direct, c'est une de mes pêches de touche. J'suis tout seul, c'est moi contre le reste. Si le rap c'est la religion, pétasse, appelle-moi Benoît XVI. Punchline sur punchline, ça dégomme tes oreilles. J'suis comme l'État, je taxe, donc salope, donne-moi ton oseille. Ce putain de beat, j'l'ai dégommé, me crie cross. Ouais, ma gueule, j'te mets à l'envers comme les Chris Cross. Every day I'm hustling, every day I'm hustling, every day I'm hustling.